Le temps qui passe devant nous tous en fugace, nous laisse avec au moins l'envie de n'en pas perdre. Le temps qui passe en effeuillant un peu nos cœurs fait que parfois